Eh gars, tu crois que c'est quoi qui me pousse à cracher toute ma haine? Pas trop connu la joie, mais plein de défaites au goût amer. Un arrière-goût de buzz, une sale odeur de cheese, une feuille blanche, un stylo bic, et je rentre dans mon monde pendant des heures. Une tape de plus, stop là, je me déconnecte. Porte mes colonnaises, j'envoie la rime sale que les vrais connaissent. 30 fois 1000 opérationnels, du graph au mic. Un mélange de haine et de rap, si je tombe, ça sera pas pour rime passionnel. On est pas si honnête, enfin ça dépend les cas. Ouais, je creuse l'écart envers les tâches, j'aurai jamais sa marionnette. Ouais, ouais, dis-leur qu'après le calme viendra la tempête. Sur mes pas, j'attends plein, on fait sans leur tremplin, on attend plus. Trop tôt, trempé dans le mal et toutes ces combines bizarres. Gratté, fous ma feuille en feu, pourtant j'écris sous le blizzard. Ici les rats, garde les dents longues avec l'estomac plus que vite. Ta caisse, comme dirait les petits de ma caisse quand ils ont besoin de pif. Aïe. Pélo parlait mal, à croire qu'un mic ça donne des ailes. Noyé dans le pisé dans le rap, faut persévérer pour savoir ses faits. J'éclate la bande FM depuis v'là les piges. Ouais, un effet artiste dans mon arthrite, j'écris mes peines. Nostalgique, ouais, la vie ça laisse plus que des marques. Les pieds sur terre, un blé discret, du long, on se démarque. Parce que tes rappeurs se la jouent trop, ils se croisent déjà sur un trône. Te scroll à la moindre occasion parce que tu déchires grave au chrome, frère. J'ai vu des gars me dire, lâche pas l'affaire, tu verras bien demain. Des gros bâtards qui en vrai me poussaient dans le ravin. J'ai toussé ma race juste après mon premier pilon d'air. Musique par passion, je me suis jamais dit ok, vite au Perse. Ok, VRV, de façon, de 0-14, c'est l'accord, je vais les balayer de façon. Avec la dalle, ça va sentir dans les deux sens, ça 210. Après le calme viendra la tempête, après la tempête, c'est l'incendie.